Dans un détournement inconscient, tu retrouves le calme tant attendu. Et c'est fou qu'au présent, tu composes ces moments perdus. Seul, seul, face à toi-même, tu te calmes et tu respires ces essences pures que tu sèmes pour des moissons de rire. Détournant tes regards pour n'y voir enfin que le bonheur du jour, tu ôtes tes œillères et reprends le pouvoir, être maître d'un tout et repartir pour un tour. Ne pas oublier que le présent, toi seul de tes mains le façonne. Tous ces feux d'artifice, de sentiments, explosent mais jamais ne t'emprisonnent. Seul, seul, face à toi-même, tu explores et tu t'enivres de ces essences pures que tu sèmes pour des moissons de rire.